décrit le verso de la vie. Il implique l'amour qui survit, l'amour triomphant qui avancelle. Tous les imposteurs sont tombés, l'amour qui cherche la femme, la femme qui va s'enflammer. Comme quelques hommes l'ont fait avant elle. Il fait jour, il y a plus que l'amour. Ils ont décrit le berceau de la vie. Il y a plus que l'amour qui survit. Il manque sur le changement climatique. Changer le style de vie. Il manque sur le changement climatique. C'est les activités humaines qui tuent la vie. Il faut travailler toujours moins. Travailler toujours moins. Il manque sur le changement climatique. Ce changement est mortel. Si nous n'abandonnons pas le capitalisme, ce changement immortel. Il fait jour, il n'y a plus que l'amour. Ils ont détruit le berceau de la vie. Il n'y a plus que l'amour qui survit. Il fait jour, il n'y a plus que l'amour. Sans flammeux, comme quelques hommes l'ont fait avant elle.